À l'occasion du jour anniversaire du général Kim Jong-il, l'ambassade coréenne en Chine a abrité le 12 un rendez-vous pour adopter un message de félicitations de la Société du District Central et Méridional de l'Association Générale des Coréens en Chine à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y en prépare le président de la Société et des citoyens coréens en Chine. Ils ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant les portraits souriants du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant d'adopter le message.